Bosco Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 24 octobre 2018. Voici les grands titres de cette édition. Le facilitateur dans la crise burundaise continue ses consultations avec les différentes délégations burundaises présentes à Arusha pour une cinquième session du dialogue interburundais sans les représentants du gouvernement ni ceux du parti au pouvoir. Les derniers développements devraient se savoir dans les heures qui viennent. Et certains enseignants réclament leur réintégration à l'expiration de leur mise en disponibilité pour études. Ils se plaignent contre les directions provinciales de l'enseignement qui ne veulent pas donner suite aux affectations reçues du ministère de l'Éducation. Et puis, les jeunes filles doivent être informées sur la santé sexuelle dès le bas âge. C'est la première dauphine de Miss Burundi 2017 qu'il a souhaité lors de la clôture de sa campagne lancée en faveur de l'éducation sexuelle des jeunes filles. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. La cinquième session du dialogue interburundais n'a pas encore été ouverte officiellement ce mercredi à Arusha comme prévu. Des informations qui nous parviennent d'Arusha indiquent que le facilitateur tanzanien est en consultation avec les délégations présentes avant l'ouverture de la dite session. À noter que le gouvernement burundais n'est pas représenté à Arusha. Le porte-parole et secrétaire général de ce gouvernement, Prosper Nahurwamiye, a fait savoir que Bujumbura attend la réponse du facilitateur à la lettre lui transmise pour demander un report de la réunion parce que le gouvernement observe en ce mois d'octobre un deuil en mémoire des héros de l'indépendance et de la démocratie. Notez également que le parti au pouvoir, issu de l'opposition extra-parlementaire, ne se sont pas non plus rendus à Arusha pour la même raison. Précisons enfin que les délégations présentes à Arusha représentent les partis politiques de l'opposition intérieure du pays, comme par exemple le parti Savanya Frodebou, la coalition Amizero ya Barundi et l'opposition de l'extérieur, principalement regroupée au sein de la plateforme Senared, ainsi que les anciens présidents de la République, Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye. Cette session devrait prendre fin le 29 octobre courant. Et pour un analyste politique, aussi longtemps que le dialogue se tiendra dans un pays membre de la même communauté que le Burundi, des résultats ne seront pas satisfaisants. À l'absence du gouvernement et du parti au pouvoir, Zenon Ndayisenga trouve que un vrai dialogue ne va pas avoir lieu et demande aux parties prenantes de préserver l'intérêt de la population. Suivez-le, il vient d'être joint au téléphone par Placide Niyomwongere. Les Burundais devraient savoir d'avance qu'il n'y aura aucun bon résultat dans les négociations qui se déroulent en Tanzanie. Premièrement, pour que les négociations soient rapides et finies, ça dépend de l'habileté et de la personne qui est choisie comme médiateur. Je doute fort que l'ex-président de la Tanzanie, Mkapa, serait considéré comme président Julius Nyerere et Mandela, qui ont forcé le gouvernement de Buyoya et son opposition à signer les accords d'Arusha. Quelque part, vous évoquez la faiblesse de Mkapa, comme quoi il marque une différence avec les anciens médiateurs burundais. Mkapa, lui aussi, il fut à la tête de l'État. Quelle différence y a-t-il là? Il y a une différence parce que le Burundi n'était pas un des États membres des États de la communauté de l'Est d'Afrique. Et actuellement, le Burundi est un État membre. Donc, Mkapa, lui aussi, en tant que médiateur, il y a des choses qu'il ne peut pas détruire. Alors qu'auparavant, Nyerere et Mandela, ils étaient comme des vrais médiateurs impartiaux qui ne visaient aucun intérêt au Burundi. Ils essayaient de soutenir tous les deux côtés. L'absence du gouvernement et du parti au pouvoir a démontré que même s'ils allaient participer, aucun résultat qui soit beau n'allait être atteint. Car un autre problème est que dans ces jours, si Pierre Nkurunziza, le président du Burundi, envoie des représentants, alors qu'à l'époque de Buyoya, il se présentait lui-même. Donc, aucun envoyé pourrait avouer ce qu'a refusé Nkurunziza. L'absence du gouvernement signifie aussi l'absence des négociations, car si l'un des deux partis est absent, on ne peut aboutir à rien. Et le CNDD devrait suivre le même pas. Ce que je conseillerais au gouvernement est qu'il faudrait se présenter pour ne pas avoir la porte à son opposition, à faire des commentaires de toutes sortes qui soient négatifs. Ce que je peux conseiller à l'opposition